tewa e ponda pom le ba moku ma de tubamba e dawa mo mo le de bala mo e na sibie bo de se de be bo be na si sontane amuna muto na kabongo e o ma bo se po te ba jo e Let's bientôt.